pense trop souvent à la thèse, même si c'est mort en ce moment. C'est l'hiver, t'as pas la caisse, on sera à la messe ou le bâtiment. Y'a pas de cantine au confinement, ils font tout pour te faire virer. Kernine, tu parles gentiment, ils veulent voir ton côté piné. Partout on est chez nous, le 6-9 c'est le zoo. Serein comme la 25, malgré les peines on reste debout. C'est sûr qu'il y a aucun débat, on les baise et puis c'est tout. Wesh Farane, ça se passe au A0, la rire qui tourne chez nous. En promenade comme des fourmis, à la rate tout est fermé. T'envoies tout ça comme promis, faut que j'oublie tout que ça m'a fané. Rappelle-toi j'étais la famille, j'suis plus là j'vous ai banni. Non venez pas pomper, allez pas dire que j'suis votre ami. Pourtant ça fait des années que j'me tue pour tout donner. Y'en a que pour celui qui domine, des moutons guidés par le berger. Ouais j'avoue j'suis un barjo, nerveux comme Gattuso. Laissez-moi j'vais me gazer toute la nuit puis j'reprends très tôt. Le matin j'sors du pied gauche, car j'ai Wellou dans les poches. J'fais hamdoulaye à mes proches qui seront là si ils m'pètent les coches. Monsieur l'Alfès, sale fils de pute, j'en ai marre vous voir j'peux plus. Les 110 ça pue la bombe, cherche bien y'a tout dans mon cul. Sourire jusqu'aux oreilles quand je vois mon frère au parlu. Tu me cherches, je suis par là, pourquoi te fais-t-il, tu m'as pas vu. C'est quand je serai bien que je dirai à ma famille que je m'en vais. Même si je donne plus de nouvelles, je prends soin de moi, faut pas s'en faire. Faut pas s'en faire, oui maman je fais des efforts. C'est corrompu, c'est commère, pour percer ils tapent dans du porc. Moi c'est à part, tu dis pélo d'où il sort. Je suis rentré dans le rap par hasard, à Lyon c'est qui pète le score. C'est moi qui creuse l'écart, pas de magie noire, pas de carte. Même si je suis mort, bah je dépanne toujours des pétards. Quand c'est pété, tu critiques, lui et l'autre c'est des bâtards. Mais toi Alien, là c'est direction le mitard.